ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous sommes toujours au quatrième point, n'est-ce pas? Le quatrième point. Naam. Donc on va terminer, inshallah, le quatrième point. Et là, le Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, il nous parle de ce point qui est « Wa amma al-intisabu ilayha ». Donc le point d'avant, c'était l'obligation de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Et le point qu'on va voir, donc ces deux points, ils font partie du quatrième grand point. وَأَمَّا الْإِنْتِسَابُ إِلَيْهَا. Et concernant l'affiliation à cette appellation, l'affiliation aux pieux prédécesseurs, فَأَقُولْ, donc le cheikh dit, je dis, قَدْ عَلِمْتَ أَيُّهَا الْمُوَفَّقْ أَنَّ اتِّبَاعَ سبيل المؤمنين من السلف الماضين واجب. Donc tu as bien vu, ô toi qui as été guidé vers la réussite, celui à qui Allah a accordé la réussite, que le suivi du chemin de la voie des croyants parmi les prédécesseurs qui nous ont devancés est un acte obligatoire. Wa alayhi, et de là, fal intisabu ilayhim sharafun wa izzun laka. Donc on parle de qui? On parle des meilleurs des musulmans, des premiers musulmans qui nous ont laissé en héritage les enseignements de l'islam authentique. Sans eux, on ne peut connaître l'islam authentique. L'islam sur lequel était le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Puisqu'on connaît la valeur de ces générations, l'éloge qui leur a été faite, le grade qu'ils ont atteint, et on a vu aussi l'obligation de tout musulman d'être sur leur chemin, de les suivre, de les prendre comme exemple si on veut être un bon musulman de la manière qui plaît et que Allah tabaraka wa ta'ala agrée. Donc, une fois qu'on en est arrivé à ce stade-là, on comprend que d'être affilié à eux, que d'être affilié à eux, c'est un honneur, c'est une noblesse, c'est une grandeur, un bienfait d'être affilié et d'être lié à ces nobles, honorables générations. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. L'imam, le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit: il n'y a aucun reproche à faire, il n'y a aucun mal à faire apparaître la voie, le chemin des prédécesseurs et de s'y affilier et d'y en être fier. Il est même un devoir, une obligation d'accepter cela de lui. Et là-dessus, il y a consensus. Car la voie, le chemin, la méthodologie des pieux prédécesseurs n'est que vérité. C'est ce qui les contredit qui est le faux. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ Ici se termine la parole d'Ibn Taymiyyah عليه رحمة الله. وَلَوْ تَأَمَّلْتَ أَيُّهَا الْمُحِبُّ في وصايا الأئمة لوجدت أنهم يوصون باتباع ولزوم سبيل السلف الصالح رضي الله عنهم وينهون عن مجانبته. Et si tu médites, ô toi le bien-aimé, dans les recommandations, les conseils laissés donnés par les imams de l'islam, tu trouveras qu'ils recommandent, qu'ils conseillent, qu'ils ordonnent de suivre et d'être sur la voie des pieux prédécesseurs qu'Allah les agrée. Et ils interdisent de s'en écarter. Les frères, quand vous voulez enregistrer, il faut mettre votre téléphone en mode avion ou autre manière, je ne sais, mais c'est le mode avion qui est connu, pour ne pas que le téléphone vienne à sonner. Sinon, d'abord, l'enregistrement, il s'arrêtera. Barakallahu feikum. Et ils interdisent de s'en écarter. Famine thalika, parmi ces recommandations, ces paroles données par ces grands imams de l'islam, قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام. L'imam الأوزاعي عليه رحمة الله, le grand imam du Proche-Orient, de Sham, de la région de la Syrie, la Palestine, Liban, Jordanie, c'est cette terre-là qu'on appelle Sham. Il dit عليه رحمة الله اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. Donc ce grand imam عليه رحمة الله, il dit, et à son époque c'était la référence d'Ahl al-Sham, quand l'imam Malik était la référence des gens de Médine, lorsque Soufiane était la référence des gens de la Mecque, Soufiane ibn Uyayna, Soufiane al-Thawri, la référence en Irak, l'imam Ahmed à Bagdad. Dans chaque région, chaque contrée de l'islam, il y avait des grands imams. Et parmi ces grands imams, il y a l'imam al-Awza'i, alayhi rahmatullah. Il dit: patiente, fais preuve de patience dans la sunna et arrête-toi là où les prédécesseurs se sont arrêtés. Al-Qawm, le peuple, les gens, ici il est voulu les premiers de l'islam, ceux qui sont un exemple pour nous et qu'on se réfère à eux et qu'on s'affilie à eux. Là où eux se sont arrêtés, arrête-toi et dis ce qu'ils ont dit. Donc, le suivi aveugle envers celui dont il est interdit de le faire, ça c'est interdit en islam. Mais le Coran, on a la conviction que c'est la pure vérité. On n'appelle pas cela un suivi aveugle, c'est le véritable suivi. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, tout ce qu'il dit et nous enseigne est pure vérité. Lorsque vous dites « Qala Rasulullah », personne ne va demander quelle est la preuve du prophète. N'est-ce pas? Donc ce suivi-là qu'on donne au Coran et à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, après, tous les hommes qui viennent après, même les meilleurs des hommes, on ne peut leur donner à l'un d'entre eux ce suivi-là. Parce que, après, chacun, il parle selon ce qu'il a comme connaissance. Et il a sa part d'erreur. Et sa parole en lui-même, en elle-même, elle n'est pas une preuve, un argument. Mais il doit argumenter, prouver sa parole, son opinion, avec les textes. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui-même, il est une preuve. Il est un argument. C'est ça la différence. Donc d'un côté, on se doit d'avoir du respect et de donner à chacun sa place et son degré parmi les grands hommes de l'islam, les savants et les imams de l'islam, mais on ne prétend pas qu'ils sont infaillibles. Puisqu'on ne le prétend pas pour les compagnons, alors tous ceux qui viennent après les compagnons, ils ne le seront pas. N'est-ce pas? Donc, ce suivi-là, qu'on prend à la lettre ce qui nous a été rapporté, c'est dans le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les pieux prédécesseurs qui nous ont transmis les enseignements de l'islam, l'islam dans toute sa globalité, sa totalité, l'islam complet et parfait, et il n'y a plus besoin ni d'enlever ni de rajouter. Donc là où eux, ils se sont arrêtés, on se doit de s'arrêter. Là où eux, ils ont parlé, on parle. Là, on parle du domaine religieux. Dans le domaine religieux. Voilà le comportement du bon musulman. Puisque eux, ils étaient dans la droiture et la vérité, et on se doit de les prendre comme exemple et de les suivre pour comprendre convenablement l'islam. C'est pour cela, comme Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah, aimait répéter souvent à dire que ça ne suffit pas de dire « Je suis le Coran et la Sunna ». Car tout le monde le prétend. Mais pour prouver ta prétention, c'est de prendre le Coran et la Sunna comme l'ont pris les pieux prédécesseurs. Les textes, de les comprendre comme eux, ils l'ont compris. Ce n'est pas possible que toi, tu aies une compréhension meilleure et plus authentique que la leur. Et comme disait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, s'il nous est rapporté deux explications pour un verset. On a deux explications, deux commentaires pour un verset. Il ne t'est pas permis d'en ramener une troisième explication. Il ne t'est pas permis de ramener une autre explication que celle qui nous a été rapportée des pieux prédécesseurs. Et dis ce qu'ils ont dit et abstiens-toi de ce qu'ils se sont abstenus. Et entreprends, suis la voie de tes pieux prédécesseurs. Car il te suffit à toi ce qu'il aura à eux suffit. Wa qala aydan, donc l'imam al-Awza'i alayhi rahmatullah, il dit aussi, il dit aussi, alayhi rahmatullah, « Alayka bi athari s-salaf, wa in rafadaka al-nas, wa iyaka wa ara'a al-rijal, wa in zakhrafu laka al-qawl, fa inna al-amra yanjali hina yanjali, wa anta minhu ala tariqin mustaqim. » Donc, il dit, alayhi rahmatullah, l'imam al-Awza'i, « Suis les traces des pieux prédécesseurs, même si les gens te rejettent. Car dans ton cheminement, ton objectif, ce n'est pas de faire plaisir aux gens. N'est-ce pas? C'est de faire plaisir à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Que cela plaise ou pas aux gens, pour toi, ce n'est ni plus ni moins. Si les gens sont contents que tu es dans le droit chemin, tant mieux. Et s'ils ne le sont pas, tant pis pour eux. même si au final tu te retrouves seul. Car le nombre n'est pas garant comme quoi tu es dans le droit chemin. Et souvent le grand nombre, hein, il en est parlé en mal dans la religion. Lorsqu'on parle du grand nombre des gens, hein, c'est lui qui suit la plupart des gens, en général c'est un suivi qui mène vers la perdition. Et très peu sont ceux qui sont reconnaissants envers Allah Azza wa Jal. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et très peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu viens obéir à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّهِ. Ibrahim alayhi salam, même si à un moment donné il était seul, mais à lui seul, il forme une communauté. Parce qu'il est sur le droit chemin. Il est sur la vérité. Et comme disait Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Al-jama'a ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est ce qui est en conformité avec la vérité, même si tu te retrouves seul. Donc le grand nombre, hein, ne prouve rien. Et le petit nombre aussi ne prouve rien. Ce n'est pas parce qu'on est en petit nombre qu'on est sur le faux. Et ce n'est pas parce qu'on est en grand nombre qu'on est sur le vrai. Donc même si les gens te rejettent, te repoussent, et comme cela nous est enseigné, hein, c'est une sagesse qu'il faut retenir, faire plaisir à tout le monde est un objectif qu'on ne pourra jamais atteindre. Jamais tu ne pourras faire plaisir à tout le monde. Certains seront satisfaits, d'autres seront mécontents. Les gens, ils sont comme ça. Donc lorsque les uns sont contents, les autres ne sont pas contents. Donc ça ne sert à rien de se fatiguer à vouloir faire plaisir à tout le monde. Dès qu'Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de toi, tu as tout gagné. Et Allah, il te suffit. Maintenant, c'est un plus s'il y a des gens qui sont en conformité avec toi, tant mieux. Ils ne le sont pas, tu n'as rien perdu. Allah, lui seul, subhanahu wa ta'ala, il te suffit. Alayhi sallahu bikafin abda. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Il y a des gens, ils ont cette maladie. Ils sont attirés par le nombre. Et ils suivent la personne qui a un grand nombre de suiveurs. Et de voir un grand nombre de personnes, c'est comme si ça les soulager. Si jamais ils y ont trouvé un soulagement quelconque dans ce bas monde, il n'y aura pas de soulagement dans l'au-delà. Ça, il faut le savoir. Hein, c'est comme les péchés. Il y en a, ils prennent goût au péché. Et il y a, hein, ils prennent goût au péché. Mais c'est pas parce que tu prends goût au péché et que dans le péché tu y trouves un plaisir que cela va t'amener le plaisir éternel dans l'au-delà. N'est-ce pas? Donc il faut faire attention. Ce sont les sectes égarées qui égarent les gens, qui essaient de trouver tout moyen pour les égarer, et vous allez le voir. Donc tu te dois de suivre les traces des pieux prédécesseurs, même si les gens te repoussent, te rejettent. Et attention, et aux opinions des hommes, et aux paroles des hommes, même si ils ont embelli leurs paroles. Ça, c'est un des moyens les plus employés, c'est l'embellissement. Jamais ils ne te présenteront le faux comme tel. Comme il le dit Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, si on présentait aux gens le faux comme tel, personne ne l'accepterait. Personne ne l'accepterait. Mais le faux, il est présenté dans une belle image. Le faux, il est bien mis dans un bel emballage, un beau cadeau dont beaucoup de gens ne savent pas le contenu, ne connaissent pas l'intérieur. Et quand les connaisseurs, ceux qui savent, ceux qu'Allah leur a donné les moyens de discerner, ils parlent, lui, il fait plus attention à ce que ses yeux voient et il ne fait pas confiance à ces gens dignes de confiance qui le conseillent. Donc lui, il ne voit pas le mal, il est où? Et on entend les gens. Mais je ne vois pas il est où le mal, n'est-ce pas? Ce sont des phrases qu'on entend. Face à un faux qui est propagé, ou quelqu'un qui propage le faux, mais c'est clair. Personne ne viendra à vous et vous dira « je suis un criminel, je suis un voleur, je suis un arnaqueur ». Ça n'existe pas. Les gens, il y en a, tant que la personne ne leur dit pas qu'il est arnaqueur, non, c'est pas un arnaqueur, même s'il arnaque 10 fois par jour. Non. Même si leurs yeux, ils voient, ils disent « non, non, non, j'ai mal vu, non, non, il n'a pas arnaqué ». Pourquoi ? Parce qu'il ne l'a pas dit, il faut que lui-même, il le dise. Il y a même des gens, ils se permettent d'aller voir des gens sur qui, par exemple, il y a des véritables mises en garde. Ben, je suis parti le voir, il m'a dit que non, il ne faisait pas ça, il ne disait pas ça. Vous croyez que dans les tribunaux, les criminels, les voleurs, les bandits, lorsqu'ils viennent, oui, c'est moi qui a fait. Mais non, ils font des enquêtes, ils cherchent, parce que lui, il dit tout le contraire des accusations. Donc ça, c'est... Faut pas prendre, les gens ne sont pas assez fous pour s'accuser et dire oui, je fais ça, et ainsi de suite. Subhanallah. Donc, il faut faire attention, les gens, ils embellissent. Ils embellissent, ils détournent, ils déforment pour contourner la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a mis en garde les juifs de cet agissement. Wa la telbisu al-haqq bil-batil wa taktumu al-haqq wa antum ta'lamun. Et n'habillez pas le vrai, le faux par le vrai, alors que vous le savez. Vous le savez. Celui qui le fait, il le sait ce qu'il est en train de faire. Et il cache en faisant cela la vérité. Car le moment viendra où la vérité éclatera. Et à ce moment-là, puisque toi tu t'es bien comporté et tu es resté sur la trace des pieux prédécesseurs, tu verras qu'à ce moment-là que toi, tu es sur le droit chemin. À ce moment-là, tu te dis, Alhamdulillah, je suis dans le droit chemin. Je n'ai pas été pris par telle ou telle vague. Car la vague, quand elle vient, elle prend. Et parfois, elle prend du monde. Il faut faire attention. Et Dajjal, l'antéchrist, c'est marqué entre ses yeux. Kafir. Le kaf, le fa, le ra. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tout croyant le verra, écrit. Et combien iront le suivre. Jusqu'à que des hommes attacheront leurs épouses et leurs enfants pour ne pas qu'ils quittent le foyer, pour ne pas aller rejoindre le Dajjal. Tellement que ces embellissements qu'il fait, ils attirent les gens. Il attire les gens. Il vient dans des endroits, vous croyez en moi ? Non, on ne croit pas en toi. Ils sont touchés par la sécheresse, la famine, le bétail, il meurt. Hein, les matérialistes, ceux qui seulement, voilà. Ce qu'ils voient comme résultat. Ils pensent que si tu es dans le droit chemin, tu ne seras pas éprouvé. Alors que plus Allah aime la personne, et plus la personne elle est éprouvée. Et il faut de la foi, il faut de la certitude. Il faut prier le Seigneur de nous donner le raffermissement. Et il passe à côté des gens, il leur dit « Vous croyez en moi ?» Ils lui disent « Oui ». Et là, eux, ils ont la pluie qui tombe, ils ont le bétail, ils ont les récoltes. Subhanallah. C'est une énorme épreuve, la venue de l'antéchrist. Il ne faut pas croire que c'est une chose aussi simple. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il vient sortir alors que je suis parmi vous, c'est moi qui me mettrai face à lui. Mais si jamais il vient et je ne suis plus là, alors soyez fermes aux serviteurs d'Allah ce jour-là. Soyez fermes aux serviteurs d'Allah. Même les gens qui disent « Je vais aller m'enfermer à Mecca ou à Medina parce qu'il est dit que, il est rapporté que Dajjal n'entre pas. » Si tu es quelqu'un de mauvais et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'accepte pas, c'est toi qui viendras quitter cette terre pour rejoindre Dajjal. Il viendra aux alentours de Médine. Il ne peut pas rentrer. Il y a des anges aux portes de la ville sainte. Il ne le laisse pas passer. Mais il va rester. Et il va attendre. Et Médine va être touchée par des secousses. Ces secousses vont amener les hypocrites et les mauvaises personnes qui vont quitter la ville à cause de ces secousses et ils vont se retrouver dans des endroits où ils seront les proies de Dajjal. Il faut toujours demander le raffermissement. Et des petits Dajjal, des petits... Grand menteur, il y en a plein. Il y en a plein. ce sont des gens qui parlent notre langage, qui parlent au nom de notre religion, mais en réalité, ce sont des prêcheurs aux portes du feu de l'enfer, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wasalam. Parfois, ils ont des paroles mielleuses. Et souvent, ils ont des paroles mielleuses. C'est des beaux parleurs. Et c'est pour ça que quelqu'un qui enseigne, il doit savoir ce qu'il enseigne. Soit. Quelqu'un qui prend le statut de faire des fatwas, il faut qu'il ait la capacité, hein, de faire les fatwas. Réellement. Ça, c'est une chose. Mais un point que beaucoup oublient, c'est est-ce qu'il est sur le droit chemin ou pas. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils disent? Un tel, il mémorise tel livre. Il connaît par cœur telle chose. Un tel, il a tel diplôme. Un tel, il a étudié chez un tel et un tel et un tel. N'est-ce pas? Et combien de personnes oublient? Mais est-ce qu'il est sur le droit chemin? Être sur le droit chemin ne veut pas dire être savant. Un simple musulman, ignorant, il est sur le droit chemin. Il suit le prophète, il suit les pieux prédécesseurs. Et quand il a des questions, qu'il ignore la réponse, il les pose aux savants, aux gens de science. Il est sur le droit chemin. Un autre à côté, il a de la science. Il a appris, il a des diplômes, il a étudié. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a égaré sur une science. Il y en a qui sont égarés alors qu'ils ont la connaissance et la science. Tous les égarés ne sont pas ignorants. Mais les gens, voilà. Il y en a à tout prix, ils veulent aller étudier chez un tel ou un tel. Jusqu'à même, ils se fichent de savoir s'il est sur le droit chemin ou pas. Subhanallah. Ils ne veulent même pas se poser la question. Ou alors, c'est eux-mêmes qui décident. C'est eux-mêmes qui prennent la décision d'eux-mêmes. Ils se fichent de savoir ce que disent les savants ou les gens de science. C'est eux-mêmes. Non, moi, je vois que, je pense que, je vois qu'il est bien, je vois que, franchement, j'ai assisté à certains cours, je vois. Tu es un savant? Non. Tu es un étudiant confirmé? Non. Comment tu fais pour distinguer le vrai du faux? Pourquoi tant d'éloges envers ta propre personne? Voilà, tu zekou anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Ne vous faites pas vos propres éloges. C'est lui, Allah, qui connaît et sait celui qui est le plus pieux. Celui qui fait preuve de piété. Mais les gens aiment se montrer qu'ils ont une certaine place. C'est eux-mêmes qui jugent. Du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'audio, de livres s'est propagé, fut des époques, beaucoup de gens n'avaient pas. Même le Coran, le Mushaf, des villages, ils ne l'avaient pas, les gens. Quand un, il l'avait, il se le prêtait. Subhanallah, ils ne l'avaient pas. Alors, que dire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim? C'est très peu lavé. Donc, la science, elle était plus ou moins chez les personnes compétentes. Et les gens de la masse n'avaient pas. Maintenant, c'est entre les mains de tout le monde. Quelqu'un de la masse, il vient, il dit, ouais, j'ai une question parce que dans toute la nuit, là, j'ai cherché dans le Bukhari, j'ai pas trouvé la réponse. Mais qui t'a dit de chercher dans le Bukhari? Subhanallah. Où est-ce que tu as vu qu'il t'ait dit de les chercher dans le Bukhari? Quelqu'un de la masse, c'est lui-même qui cherche la réponse dans le Bukhari. Ça fait peur. Mais combien de gens, ils tombent dans ce piège-là? Dans ce piège-là. Pourquoi? Parce qu'on a les livres, là. Mais quand tu es malade, ça ne te dit pas d'aller acheter des encyclopédies médicales, hein, et de regarder dedans et de décider quel médicament tu dois prendre. Non, là, l'idée ne te vient pas. Ça ne te vient pas l'idée d'aller voir le boulanger, comment tu fais tes pâtisseries, comment tu fais, et c'est toi-même qui les fais. L'idée ne te vient pas. Ça ne te vient pas l'idée aussi d'aller voir le boucher, de lui demander exactement comment il fait la coupe des viandes, comment il fait les préparations. L'idée ne te vient pas. Mais dans la religion, il n'y a pas de problème. Ça y est, je suis musulman, j'ai le droit. Pourquoi lui, il a le droit et pourquoi pas moi? Voilà, les gens, ils sont... C'est très dangereux. Très, très, très dangereux. Wal'iyadhu billah. Faut faire attention. Les gens, il y en a, ils passent toute leur vie dans la science. Et tu viens, toi, du jour au lendemain, te mettre à leur place et à leur niveau. C'est dangereux. Et on voit tous les dégâts que ça fait. Wal'iyadhu billah. Donc, être dans le droit chemin ne veut pas dire être savant. ne veut pas dire avoir la capacité de... Non. Être dans le droit chemin. Tu es un simple musulman, alhamdoulilah. Tu es dans le droit chemin. Alhamdoulilah, rabbil alamin. Lorsque tu as des questions, tu poses la question à ceux qui ont la capacité, la possibilité de pouvoir te répondre. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, demandez aux gens du rappel, aux gens de science, lorsque vous ne savez pas. Il n'est pas demandé aux gens de la masse de faire des recherches. Il est demandé de questionner. De questionner. De demander à celui qui sait. Wa qala al-imam Abu Uthman Ismail al-Sabuni fi aqidat al-salaf ashab al-hadith. Ça, c'est un grand imam de la Sunna qui vécut au 4e siècle de l'Hégire. Au 4e siècle de l'Hégire aussi, les noms. Bon, alhamdoulilah, les gens de science, eux, ils voient beaucoup de noms. Et parfois, les noms se ressemblent, c'est les mêmes noms. Parfois, le prénom, le nom du père, du grand-père, c'est les mêmes. Et les ulama, ils font des recherches là-dessus pour distinguer un tel d'un tel. D'accord ? Donc, par exemple, As-Sabuni, cet imam connu, à ne pas confondre avec un Sabuni contemporain. Il y en a un, bon, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais il a propagé la Aqidah al-Ash'ariya. Il est connu dans le tafsir. Hein, parfois, à un moment donné, ils étaient propagés dans les mosquées. Parce que il y a des bienfaisants, des mécènes, qui ont financé la publication de ces livres. D'accord ? Il s'appelle Mohamed Ali As-Sabuni. Mais dedans, donc, il fait le résumé de Tabari, le résumé d'Ibn Kathir, et ainsi de suite. Il a aussi compilé tous les tafsirs dans un seul tafsir, et tout ça. Et ça a même été publié par morceaux de Coran. Ça veut dire par Hizb. Donc, ça a été propagé, donné gratuitement aussi. Donc, dans les années 80, 90. Et les ulama, beaucoup. Beaucoup de ulama, des dizaines, ont écrit là-dessus. Ont répondu aux erreurs et mis en garde contre ces tafsirs. Celui-là, il s'appelle Mohamed Ali As-Sabuni. Donc, à ne pas confondre avec ce grand imam qui date du 4e siècle de l'Hégire. Donc, c'est important. Il y a des noms, les gens, quand on ne sait pas. Par exemple, vous avez comme nom Al-Arnaout. Al-Arnaout, c'est un terme que les Turcs ont donné aux Albanais. C'est un terme que les Turcs ont donné aux Albanais. Les Albanais, bon, il y a l'Albanie, puis il y a des communautés albanaises dans les pays avoisinants de l'Albanie. Au Kosovo, c'est des Albanais. Ce sont les Albanais du Kosovo. Bien que Cheikh Abdul Qadir al-Arnaout, il dit que le vrai nom, c'est Kosova. Il dit que c'est les Serbes qui disent Kosovo. On nous dit Kosovo, mais il dit que le mot Kosovo, il vient des Serbes. Sinon, chez eux, c'est Kosova. Puis, on a des Albanais au Monténégro. On a des Albanais en Macédoine, même en Serbie, en Bosnie-Herzégovine. Donc, et en Turquie, il y a une forte minorité albanaise en Turquie. Donc, à l'époque ottomane, les Turcs appelaient les Albanais Arnaout. Arnaout. Donc ce n'est pas le nom d'une famille, c'est une affiliation à une origine qui est d'être albanais. Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah, dans sa jeunesse, on l'appelait Arnaout. Celui un jour, il a mis Al-Albani. Il a enlevé le mot Arnaout. Et il y en a qui l'ont, comme Cheikh Abdel Qadir Al-Arnaout. Bon, ils sont de Syrie, mais à l'origine, ce ne sont pas des Syriens. Al-Albani, Mohamed Nasiruddin Al-Albani, il vient d'Albanie. Cheikh Abdel Qadir Al-Arnaout, c'est un Albanais du Kosovo. Et il y en a un autre, bon, Allah ou Alam, ils disent qu'il est revenu sur ses erreurs ou pas, mais c'était un ennemi de la salafie. Bien qu'il était connu pour avoir sorti beaucoup de livres de hadith qui ont été très utiles, bénéfiques, mais cet homme-là, il était connu pour faire la guerre à la da'wah salafie. Mais il est mort il n'y a pas longtemps. Rahimallahu al-jami'a. C'est Shu'aib al-Arnaout. Il fut une époque, et Shu'aib al-Arnaout et Abdul Qadir al-Arnaout, ils corrigeaient des livres ensemble. Très longtemps. Puis après, chacun s'est séparé de l'autre. Et Cheikh Abdul Qadir était connu pour être à la sunnah. Charles Qadr al-Naout. Et Shu'aib, il est de la même origine que Cheikh al-Albani. Il est de l'Albanie, de la même région que Cheikh al-Albani, alayhi rahmatullah. Donc, mais ce n'est pas des frères. Il y en a quand ils voyaient Arnaout. Donc les gens ici, ils disent, ce sont des frères. Non, ce sont deux personnes différentes, mais qui ont la même origine. Ils ont une origine albanaise. C'est comme le terme Ash-Shinqiti. Ash-Shinqiti, ce n'est pas un nom de famille. C'est une affiliation à un pays. C'est la Mauritanie. Ash-Shinqiti veut dire le Mauritanien. Seulement, à l'époque, lorsque beaucoup de Mauritaniens venaient habiter en Arabie, ce pays sous la colonisation ne s'appelait pas encore la Mauritanie. Il s'appelait Bilad Shinqit, la terre de Shinqit. Et il y a une ville à l'intérieur qui s'appelle Shinqiti. Ça, c'est le nom d'une ville. Bilad Shinqit. Et tous ceux qui sont de ce pays, de cette terre-là, on les appelait Shinqiti. Un seul, on l'appelait Shinqiti. Ça veut dire Mauritanien. Et à l'indépendance du pays, ils ont pris comme nom Mauritanien, c'est-à-dire le pays des morts. M-A-U-R-E. Hein, c'est, les morts, ce sont le nom qui était donné aux musulmans du Maghreb, de l'Andalousie. D'accord ? Donc le pays des morts. Et donc beaucoup de gens ils confondent entre les noms de savants. Bon ou pas bon, ça c'est notre question, mais ils confondent. Ils voient Shinqiti, Shinqiti, ils font plus la distinction. Ou alors ils pensent que c'est la même famille. Non ! Il y en a, ils ont rien à voir, ils n'ont pas de lien de famille. Seulement, ils sont du même pays, la même origine. Comme si on disait à quelqu'un, Al-Maghribi, Al-Jazairi, l'Algérien, le Marocain, d'accord ? Et seulement comme c'est des mots qui ne sont pas répandus ou connus chez les gens, bah les gens, leur imagination, elle prend le dessus. Tayyib. Donc, وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث. Donc, l'imam Abu Uthman Ismaïl al-Sabouni, rahimahullah, il dit dans son ouvrage Aqidatu al-Salaf Ashab al-Hadith, wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi alladhina hum kan-nujum. Et donc Ashab al-Hadith, ceux qui suivent le Hadith, al-Salafiyoun, ils prennent comme exemple le prophète alayhi salatu wassalam. Ils suivent le prophète sallallahu alayhi wasallam ainsi que ses compagnons qui sont semblables à des étoiles. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين. Et ils suivent aussi les pieux prédécesseurs parmi les imams de la religion et les savants musulmans. ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين. Et ils restent fermement rattachés à ce en quoi eux, ces grands imams et ces savants de l'islam, étaient rattachés dans la religion ferme. والحق المبين, et la vérité évidente. وقال الإمام البربهاري رحمه الله في شرح السنة. L'imam al-Barbahari, qui a cet ouvrage qui s'appelle Sharh al-Sunnah. Ça, ce sont les livres des premiers, et beaucoup parmi les premiers imams et savants de l'islam, ils nous ont laissé les fondements de la religion, les sujets sur lesquels ne les contredit qu'un innovateur, quelqu'un qui quitte le droit chemin. Ce sont des grands points de l'islam qui ont été compilés, réunis par ces grands imams et ces grands savants de l'islam, pour que dans toutes les époques, le musulman, il peut savoir distinguer ce qui fait partie réellement de la religion et de ce qui n'en fait pas partie. Des questions sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Celui qui diverge là-dessus, sa divergence ne vient que de l'innovation et de la contradiction avec ce sur quoi était les pieux prédécesseurs. Donc, hein, et c'est pour cela, même dans les livres de hadith, il y a des grands chapitres. Kitab al-Sunnah, Kitab al-Tamassuk bis-Sunnah, hein, le grand chapitre de la Sunnah. Ici, il est voulu, hein, l'islam authentique, la croyance, le dogme sur lequel étaient les premiers musulmans. Donc, il l'appelait al-Sunnah. ce qui est en conformité avec la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on retrouve hein, ces chapitres-là dans pratiquement tous les livres de hadith. Et puis certains l'ont même spécifié dans des livres bien précis, comme l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, au Sul Sunnah. De même que Kitab Sunnah de son fils, d'un de ses enfants, l'imam Abdullah ibn l'imam Ahmed, rahimallah al-jami'a. On a vu ici Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith, de l'imam al-Sabuni, Sharh al-Sunnah, de l'imam al-Barbahari, Kitab al-Sharia, de l'imam ibn Battah al-Ukburi, et plein d'autres. Sharh usul i'tiqad ahli sunnati wal jama'a, de l'imam al-Lalaka'i. Beaucoup ont écrit là-dessus. Kitab al-Sunnah lil-Muzani, Kitab al-Sunnah l'Ibn Abi Asim al-Shaybani. Et plein d'autres ont écrit là-dessus. Donc, les gens de l'innovation, ils ne vous parleront pas de ces livres. Et ils ne se réfèrent pas, alors que ce sont les premiers livres, des premières époques, des premiers siècles, dans lesquels sont compilés la croyance, le dogme de Ahl Sunnah, les points importants de la voie sur laquelle sont Ahl Sunnah. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة. Il dit la base, le fondement même sur lequel est construit le groupe, ce sont les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont Ahl Sunnati wal Jama'a. Celui qui ne prend pas d'eux, celui qui ne se ressource pas chez eux, alors il s'égare et il innove. Il se sera égaré et il aura innové. Et toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Vous imaginez, il y a des gens tellement, qu'Allah nous préserve de tout mal, mais tellement qu'ils sont dans l'égarement et tellement que le voile, ils n'arrivent pas à l'enlever, à le dissiper pour voir clairement la vérité. Ils en arrivent même à accepter des choses dont eux ont la conviction que le prophète et les compagnons n'ont jamais fait dans la religion. Je ne parle pas de quelqu'un qui croit que le prophète l'a fait et qui croit que les compagnons l'ont fait. On lui a ramené des faux récits, on lui a mal expliqué des récits, des textes. Et lui, il croit que le prophète faisait cela. Il croit que les compagnons faisaient... Non, lui, il te dit non. Je suis convaincu que le prophète n'a jamais fait ça. Je suis convaincu que les compagnons n'ont jamais fait ça. Mais c'est une bid'a hasana. Mais c'est une bonne bid'a. Il y a des gens, ils s'en sont arrivés à ce stade-là. C'est-à-dire, ne te fatigue pas à m'expliquer que le prophète ne l'a pas fait, j'en suis convaincu. Ne te fatigue pas à m'expliquer que les compagnons ne l'ont pas fait, j'en suis convaincu. Mais j'ai une autre conviction, c'est qu'il y a des bid'a hasana. Wal'iyadu billah. Et là, donc, l'imam al-Barbahari, il dit, celui qui ne se ressource pas chez les compagnons, Ahl sunnati wal jama'a, il se sera égaré et il aura innové. Et toute innovation est un égarement. Et ça, c'est repris de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est lui-même, alayhi salatu wassalam, qui a dit, kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. Toute innovation est un égarement. Puis eux, ils viennent reprendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est leur agissement, il est là. Ils reprennent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils montrent leur désaccord. C'est comme si, ils disaient à quelqu'un, le prophète a dit cela, soit, Apparemment, c'est authentique. On ne peut pas. Il y a tout pour dire que c'est authentique. Mais ne prends pas cette parole-là. Nous, on va te ramener une autre parole. Wal'iyadhu billah. Puis, ça dit aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça prétend être les plus amoureux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il pense que l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se reflète dans la désobéissance. Se reflète dans des actes de mécréance et de polythéisme. C'est ce que font beaucoup. Et c'est cela que tu les vois prétendre avoir plus d'amour pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a le véritable amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se conforme aux enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait son effort de ne jamais désobéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils viennent prétendre qu'eux, ils ont bien plus d'amour. Chacun peut prétendre ce qu'il veut. On voit clairement à lui où la vérité. وأختم المقام بكلام ici se termine la parole de l'imam al-Barbahari رحمه الله. Puis le cheikh Abdullah al-Bukhari حفظه الله dit وأختم المقام بكلام حسن متين لشيخنا العلامة زيد بن هادي المدخلي. Donc là il dit حفظه الله ورعاه, car ça a été écrit à l'époque où il était encore vivant. Alayhi rahmatullah. Il est mort, rahimahullah. Rahmatan wasi'a. Jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu yaqulu al-ba'du limadha natalaqqabu bis-salafiyyah wa limadha la yuqalu al-muhammadiyyah nisbatan lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam ila akhir as-su'al. Donc Cheikh Abdullah Hafizahullah, il dit, et je termine cette partie par une bonne parole ferme, claire, explicite de notre cher le grand savant Zayd ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala, en réponse à une question, une longue question qui lui a été posée. Et dans le début de cette question, il y a cette phrase. Certains disent, pourquoi nous prenons comme appellation As-Salafiyya? On devrait plutôt prendre comme appellation Al-Muhammadiyya, les suiveurs de Muhammad, hein, en affiliation au messager sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de la question. Fa'ajaba, donc ici il a écrit Hafizahullah biqawlihi, donc il a répondu Rahimahullahu ta'ala par sa parole. نقول له, nous lui disons à celui qui a posé cette question ou à celui qui dit cette parole, إن اعتراضك على من أظهر مذهب السلف الصالح وانتمى إليه باطل. Le fait que tu viennes contrer, t'en prendre à ceux qui font apparaître au grand jour la voie, le cheminement, la méthodologie des pieux prédécesseurs et qui s'affilient à eux est faux. Hein? Ce que tu as, ton agissement, c'est un agissement qui est faux et vain. وَالْحَامِلُ لَكَ عَلَى هَذَا الْاِعْتِرَادُ هُوَ. Et ce qui t'a poussé à contrer cette appellation, c'est إِمَّا جَهْلُكَ الْفَضِيعَ بِالسَّلَفِيَّةِ الصَّحِيحَةِ وَالسَّلَفِيِّينَ حملت الكتاب والسنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجه من أئمة العلم والدعوة من القرون المفضلة المشهود لهم بالخيرية. Donc, c'est soit ton ignorance, ta grande ignorance, qui ton ignorance face à la véritable salafie et les véritables salafis qui transmettent le livre et la sunna depuis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont sur leur voie, leur chemin parmi les imams de la science et du prêche pendant parmi les générations honorables dont il a été fait témoignage de leur bien. Wa imma annaka turidu أن تلبس على طلاب العلم أن السلفية ما هي إلا حزب أو منظمة. Ou alors, tu veux embellir par là, détourner les gens, les étudiants en religion, en science de la salafia, en leur faisant croire que la salafia en réalité ce n'est qu'un parti parmi tant d'autres ou une organisation parmi tant d'autres. Assasaha Muhammad ibn Abd al-Wahhab, c'est un organisme, une organisation, un parti qui a été fondé par le grand cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. فيجب أن تستبعد ولا يجوز الانتساب إليها. Et en faisant cela, c'est pour montrer aux gens, donc c'est un devoir de s'en éloigner et il n'est pas permis de s'en affilier. Donc le cheikh, il voit très bien d'où viennent ce genre de questions. Les personnes qui amènent ces questions, c'est pas quelqu'un de normal. C'est quelqu'un, soit il est mal intentionné, ou soit il a été détourné par d'autres. Il a été touché par le poison d'autres. Et il ne fait que répéter. Quelqu'un de normal, l'idée ne lui viendrait même pas de faire ce reproche. C'est un honneur d'être affilié à ces générations honorables. Sahaba wa tabi'in. Donc c'est soit il ignore, il ne sait pas c'est quoi la salafia, ou alors en réalité il sait, mais il fait croire qu'en réalité la salafia, elle ne vient que de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ou alors qu'elle vient de Cheikh al-Albani, ou alors qu'elle vient d'Ibn Taymiyyah. Dans les époques, on a eu des paroles comme cela, que la salafia a été fondée. Et surtout, les orientalistes. Avant, on ne disait pas islamologues. À l'époque coloniale, ce qu'on appelle aujourd'hui les islamologues, on les appelait les orientalistes. Maintenant, aujourd'hui, ce mot-là, on ne l'emploie presque plus. Ce n'est pour parler des anciens. Sinon, les contemporains, on les appelle les islamologues. C'est-à-dire, ce sont des gens qu'il ne faut jamais prendre ta religion chez eux. Ce sont des gens qui se disent spécialistes, mais ils sont spécialistes peut-être en tout, sauf l'islam. L'islam, ils ne connaissent rien du tout. Comme si étudier l'islam, c'est étudier ce sur quoi sont tel parti politique et tel mouvement. Un spécialiste de l'islam. Mais non, tu es un spécialiste des sectes égarées. Ça s'arrête là. Tu connais l'origine, qui l'a fondée, quels sont leurs points qui les distinguent des autres mouvements. Ça s'arrête là. Mais tu n'es pas un spécialiste de l'islam. Tu ne connais rien à la aqida, tu ne connais rien à la prière, tu ne connais rien au jeûne, tu ne connais rien au pèlerinage, tu ne connais rien au halal et au haram. Tu ne connais rien à l'islam. Seulement, tu es quelqu'un qui s'est spécialisé dans des mouvements qui sont apparus par-ci, par-là. Et comme si ça, c'était une science en soi. Ils se spécialisent, ils deviennent, toute leur vie, ils vivent avec ça. La personne, elle est athée. La personne, elle est, je ne sais de quelle confession. Et puis, lorsqu'il est affilié à l'islam, Allahu a'lam bihi. Il n'y a qu'Allah qui sait s'il est vraiment musulman ou pas. Allahu a'lam. Subhanallah. Donc ça, ça n'existe pas en islam, ce genre de fonction. Hein? La référence, c'est les ulama. Est-ce que tel mouvement, tel parti, il est dans le droit chemin ou pas dans le droit chemin? Est-ce qu'ils ont des égarements ou pas? Quelle est la réalité? C'est chez qui on va demander? Aux ulama, les savants de l'islam. C'est eux qui vont nous répondre là-dessus. Et non pas des gens qui ne sont en rien un exemple à prendre ou à suivre. Mais même les gens, beaucoup de gens disent « Oui, ça je le sais, je sais très bien qu'il ne faut pas rien prendre d'eux. » Alors pourquoi tu es à l'affût des dernières nouvelles de chez eux? Pourquoi tu cherches à les écouter et à les voir? Combien de gens? Après, ils sont pleins d'ambiguïté. Ils sont sur YouTube, ils regardent des vidéos, ils écoutent. Il y a plein de gens convenables que tu peux écouter, ils te posent la question sur quelqu'un, tu te demandes comment il l'a trouvé. On a le droit d'écouter un tel? Mais subhanallah, mais comment tu fais? Tes doigts, ils t'emmènent vers où? Non mais c'est agi, moi, des fois on s'étonne. Tous les noms convenables qu'on peut écouter, les livres convenables qu'on peut lire, et tu vas vers où? Tu vas vers toujours. Et là où toi-même tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La question fut posée à Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Quelqu'un lui a demandé, est-ce que je peux écouter? Il lui a cité comme nom Aïd Al-Qarni ou Salman Al-Aouda, je crois, voilà. Des prêcheurs égarés d'Arabie Saoudite. Regardez la réponse de Shir. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit au questionneur, pourquoi tu ne me demandes pas est-ce que tu peux écouter Ibn Baz et Al-Uthaymin? Et le questionneur, il dit quoi? Il dit non, mais sur eux, il n'y a aucun doute. Il doit dire, reste avec ceux auprès de qui il n'y a aucun doute. Genre, ça veut dire, je n'ai pas besoin de poser, il n'y a aucun doute sur Ibn Baz et Al-Uthaymin. Mais lui, il va s'embêter avec ceux dans lesquels, même au fond de lui, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Subhanallah. On en était où? Ah, طيب. والحق. Donc toujours, hein, c'est la réponse de Cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah. والحق أنه لا يجوز لأحد أن ينكر على من انتسب إلى السلف والسلفية. Et la vérité est qu'il n'est pas permis à quiconque de réprimander, de s'en prendre à quelqu'un qui s'affilie au salaf et à la salafia. Alors les gens, hein, ils ont beaucoup de méthodes. Hein. Les gens du faux, ceux qui sont vraiment clairement dans le faux, on les voit. Et ceux qui sont maquillés, mais quand tu te renseignes, tu verras qu'ils sont dans le faux. Hein, y en a, ils le montrent clairement. Ça les embête d'entendre le mot salaf, salafia. Et tu en as, ils ont d'autres méthodes qui sont plus ou moins dangereuses. Oui, mais il y a un khilaf. Il y en a, ils adorent Allah avec le khilaf. Dans toutes les questions, il y a un khilaf, il y a une divergence. À chaque fois que tu ramèneras quelque chose, ouais, mais il y a une divergence. C'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de l'adorer avec les divergences. Subhanallah. Et pour eux, le grand savant, c'est celui qui, lorsqu'il répond, il ramène les divergences. Sur ce sujet-là, il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui a dit ça, il y a un tel qui a dit ça. Il y a 20 opinions. Et après, il te dit « Salam alaikum ». Puis toi, tu es là, d'accord, je fais quoi avec les 20 réponses? Ça, ce n'est pas une éducation. Et puis lorsque le alim répond clairement, il donne la réponse qu'il faut au questionneur, « Ah, mais le shirk, il n'a pas détaillé. » Les gens, ils ont toujours leur mot à dire. Subhanallah. Ils prennent un rôle qui n'est pas le leur, une place qui n'est pas le leur. Ils pensent qu'ils ont une meilleure vision, qu'ils ont une meilleure pensée, qu'ils savent mieux comment s'y prendre avec la communauté. On a vu les dégâts qu'ils ont faits. Ces grands ulama n'ont jamais été la cause de catastrophes, de chaos, de sang effusé. Et on a vu ces genres de prêcheurs, où est-ce qu'ils ont amené. Et qu'est-ce qu'ils recherchent ? Wal'iyadhu billah. Mais même avec tout ça, il y en a qui ne voient toujours pas. Qu'Allah nous donne la bonne vue. Donc faites attention, il y en a, ils essaient d'entrer chez les gens, mais avec des bonnes paroles, hein, des bonnes paroles. Par exemple, m'excuserai, je fais des parenthèses, mais c'est parce qu'elles ont toute leur importance. Par exemple, ils vont te dire, Cheikh Rabir, il n'est pas infaillible. Mais Akhi, qui a dit que Cheikh Rabir était infaillible? Lorsque tu me trouveras la personne qui l'a dit, on ira le voir et on lui parlera, on lui expliquera qu'il n'est pas infaillible. Tu ramènes une phrase. Pour quelle raison? Vous l'avez déjà entendu ce genre de phrase. Pour au final dire, mais il peut se tromper. On le sait qu'il peut se tromper. Il peut commettre une erreur, oui. Pour à la fin dire, c'est un égaré. Subhanallah. C'est, voilà la finalité. Ce genre de personne qui tourne comme ça, ça c'est une méthode. Parce que la méthode claire, s'il vient, il sait que beaucoup de gens ne vont pas accepter. Donc il va venir avec des paroles qui seront acceptables. Qui seront acceptable, subhanallah. Mais en vérité, le piège, il est devant. Il faut s'en éloigner. Dès que vous sentez que cette personne, elle n'est pas claire, c'est de votre droit de vous préserver. C'est votre droit de se préserver. Hein, tu n'es pas un cobaye. Tu ne joues pas. Parce que la mort, elle peut venir à tout moment. Tu ne sais pas sur quoi tu vas mourir. Donc, ta religion, c'est il y a des gens, ils veulent jouer. Qu'ils aillent jouer avec quelqu'un d'autre. La religion, on ne joue pas avec. C'est du sérieux. Donc, je ne peux pas. Un jour, je suis là, un jour, je suis là, un jour, je suis là. Et ainsi de suite. Subhanallah. Et ces gens-là, vous les entendez dire quoi aussi? Ils disent, oui, moi, personne n'est venu me voir. Vous l'entendez, ce genre de phrase? Ouais, on dit des choses, mais on n'est pas venu me voir. Premièrement, on n'en sait rien si personne n'est venu te voir. Toi, tu le dis, mais on n'en sait rien. Le mensonge, il est tellement propagé et tellement que beaucoup de gens n'ont plus aucune honte à mentir qu'on ne sait même pas. Allahu alam. Deuxièmement, qu'il soit venu ou pas venu, c'est pas la question. Ce qui t'est reproché est vrai ou pas vrai? Parce que si tu dis les gens ne sont pas venus me voir, on pourrait comprendre que tu reconnais qu'il y a des problèmes. Mais le seul reproche que tu fais, c'est que personne n'est venu te voir. Bah, si personne n'est venu te voir, ça peut être un mal comme ça peut être un bien, Allahu alam, je rentre pas dedans. Mais puisque tu reconnais que tu as du tort, bah, corrige-toi, corrige tes fautes. Et le pire, ce sont les gens qui se retrouvent en plein milieu. Des gens qui se comportent comme des avocats du diable. Qui défendent l'indéfendable. Wal'iyadu billah. Comment ils vont faire dans leur tombe? Ils seront tout seuls. Cette personne que tu as fait tout moyen pour prendre sa défense. Jusqu'à que même certains, ils le disent clairement. Moi, je me comporte comme je me comportais avant la religion. Mes copains, je les défends même quand c'est dans le faux. C'est dangereux. Quand des gens en arrivent même à le dire clairement. Wal'iyadu billah. Allahu al-musta'an. Qu'Allah nous préserve de tout mal. والحق أنه لا يجوز لأحد أن ينكر على من انتسب إلى السلف والسلفية فمن قال أنا سلفي وعقيدتي السلفية لا يصح أن يعاب. Donc celui qui dit clairement je suis salafi, qui dit clairement ma croyance, mon dogme, c'est la croyance et le dogme salafi, hein, il n'est pas autorisé de s'en prendre à lui ou de le réprimander. بل يجب قبول ذلك منه باتفاق العلماء الربانيين وتلامذتهم. Mais plutôt, c'est une obligation d'accepter cela de lui. Là-dessus, il y a consensus chez les ulama, les véritables ulama éducateurs, ainsi que leurs élèves. وما ذلك إلا لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Et ceci parce que la voie, la méthodologie des pieux prédécesseurs ne peut être que vérité. وَإِنَّ السَّلَفِيَّةِ وَهِيَ نِسْبَةُ تَسْمِيَّةٍ إِلَى السَّلَفِ تَسْمِيَّةٌ لَا تَنْفَصِلُ وَلَا لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ عَنِ الْأُمَّ الْإِسْلَامِيَّةِ. Et aussi parce que la salafia est une affiliation, une appellation qui est une affiliation aux pieux prédécesseurs. C'est une terminologie qui ne se sépare jamais de la communauté musulmane. Belhiya khayruha. Elle est même la meilleure de la communauté. Wahiya bikhilaf al-intima'at ila al-ahzab wal-munazzamat al-bid'iyya. Elle est contraire aux autres affiliations qui sont faites aux partis, aux organisations innovatrice, quel Hizb al-Ikhwani, comme le parti des frères faïtaires, qui s'appelle frères musulmans, ou al-Firqat al-Tablighiyya, et la secte des Tablighs, ou ma wala huma mimma sabaq, bayanuha, wa bayanu manahijiha, et tous les autres partis ou mouvements similaires, hein, dont le Cheikh précise qu'il a déjà expliqué auparavant. C'est-à-dire dans l'ouvrage où cette fatwa est prise, on a des passages où il en parle en détail. Et il a parlé aussi sur leur méthodologie. وَأَمَّا قَوْلُ الْمُفْتَرِضُ عَلَى الْعَقِيدَ السَّلَفِيَّةِ وَأَهْلِيَ السَّلَفِيِّينَ لِمَا لَا يُقَالُ الْمُحَمَّدِيَّةِ. Et concernant la parole de cette personne, celui qui soi-disant qui réprimande, sur, concernant la croyance, le dogme salafi et ses adeptes, les salafis, pourquoi on ne dit pas d'eux al-muhammadiyya, hein, ceux qui suivent Muhammad sallam, naqul hadha talbisun minhu, hein, ça c'est un détournement de sa part. Ala an-nas min jinsi ma qablahu, hein, donc dans la même nature de ce qu'on a vu auparavant, c'est une façon de détourner. Fal umma kulluha yuqalu laha al-ummah al-muhammadiyya, toute la umma de l'islam, la communauté musulmane, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ay anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam nabiyuha, c'est-à-dire que leur prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad inqasamat إلى أمة دعوة وأمة الإجابة. Les humains, les gens, depuis la venue du prophète Mohammed sallam, se sont divisés en deux communautés. En deux communautés. La communauté de l'Ijaba et la communauté de Da'wa. La communauté de l'Ijaba, c'est la communauté qui a répondu favorablement à l'appel et qui croit au prophète Mohammed sallam. C'est la nation musulmane. On l'appelle Ummatu al-Ijaba. Ça, c'est une nation. Puis, face à eux, il y a Ummatu al-Da'wa. Ce sont tous les autres gens, quelle que soit leur confession, leur religion, leur doctrine, ceux qu'ils suivent. Et eux, c'est la nation à qui on doit prêcher. On doit les inviter à l'islam. Donc, toute la nation, elle est divisée en deux. Celle qui a répondu favorablement à l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la communauté musulmane. Et face à eux, la communauté de da'wa, à qui on doit faire le prêche. Et donc, et cette nation, hein, qui est la communauté musulmane, ils sont tous, c'est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, وقد انقسمت إلى أمة دعوة وأمة الإجابة وانقسمت أمة الإجابة إلى 73 فرقة. Et la nation qui a répondu favorablement, qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la nation musulmane, là ça y est, la nation qui comporte les mécréants et les potistes, on n'en parle plus. Là on parle de la communauté musulmane. Elle s'est divisée en 73. Elle s'est divisée en 73. Kulluha finnar illa wahida. Tous sont voués au feu de l'enfer, sauf une seule. Wa hiya allati takunu ala mithli ma kana alayhi an-nabiyul karim sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu ridwanullahi alayhim ajma'in. Le ra, il a un damma. Ils ont mis ridwan. Hein? Ah, vous savez pas où on en est? Ouais, c'est une erreur, c'est ri avec un kasra. Ça, c'est une erreur de frappe. Donc tous sont voués au feu de l'enfer sauf une seule, et ce sont ceux qui sont sur le même chemin que le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم السلف. Les compagnons du prophète sallam, ce sont eux les pieux prédécesseurs. ومن جاء بعدهم ونهج نهجهم واتبع أثرهم يلحق بهم. Et ceux qui viennent après les compagnons et qui ont entrepris le même chemin qu'eux, la même méthodologie qu'eux, et qui a suivi leurs traces, il est rallié à eux. Il est rallié, affilié à eux, aux compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. Fayuqalu anhu salafi. Il est dit donc de cette personne, salafi. Wa aqidatuhu as-salafiyya. Et son dogme, sa croyance, c'est la salafiyya. Ila akhiri. Jusqu'à la fin de la réponse de Cheikh Zayd al-Madkhali, alayhi rahmatullah. Puis Cheikh Abdullah, حفظه الله يلدي ثم أنصحك أيها المحب. Puis je te conseille, ô toi le bien-aimé, أن تراجع كتب السنة, que tu reviennes, tu retournes, tu te ressources dans les livres de la Sunna. فإنك ستجد نصوصا لا تحصى كثرة. Tu trouveras d'innombrables textes et de paroles là-dessus. تقرر لك ما ذكرت من الوصية بلزوم سبيل السلف والتحذير من مجانبته والله الموفق. Donc dedans tu trouveras beaucoup de propos, de paroles, de citations, hein, qui précisent cela, qui te recommandent, hein, l'obligation de suivre, d'entreprendre la voie des pieux prédécesseurs et la mise en garde contre le fait de s'en détourner. Et c'est Allah qui donne le succès. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Ah, excusez-moi, j'ai dépassé l'heure, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui a écrit ça ? Il y a marqué quoi ? Connaîtriez-vous Abu Usama le ? C'est qui ? Je ne sais pas. Allahu a'lam. Thank you.